direct de vos oreilles. Voici Écoutons la Don, la chanson. Salut, bienvenue à Écoutons la Don, la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. Moi, c'est Mathieu Plante, l'animateur / méga vedette de C'est fou. Cette semaine, toujours de la variété musicale à en plus finir, mais aussi du bonheur. Parce que c'est ça que je vous offre à chaque semaine, c'est du bonheur, de la bonne musique, une voix relaxante comme la mienne. Hein, on peut pas perdre avec ça. On va commencer l'émission par un bloc extrêmement tranquille. Il va y avoir Major. Justement, il va y avoir Chad Van Galen. Mais on commence avec les Beastie Boys. Voici une pièce de leur album instrumental, le mix-up. C'est The Cousin of Death. Tout de suite, écoutons-la donc, la chanson. Willow tree. When I'm dead, Quoi faire? Retour à l'hôpital, on va t'emmener. Les mouches de Major Bidet. Écoutons dans la chanson. Major Bidet qui est devenu Major depuis. Et ça vient de l'album La Vie qui fit avec la tapisserie. Juste avant, c'était une pièce du palmarès anglophone, Chad Van Galen. Ça, c'est l'artiste, oui. Avec Willow Tree. Et on a débuté avec une pièce de l'album instrumental des Beastie Boys. La pièce, c'est The Cousin of Death. Et puis, l'album s'appelle The Mix-Up. Et c'est génial du début à la fin. C'est un des albums que j'ai bien aimé l'an dernier. Voilà. Ou plutôt cette année, je crois. Bref. On s'en fout. Prochain bloc, c'est un bloc de palmarès. Il va y avoir OK Curveball River. On dirait un nom de compagnie de popcorn, mais quand même. OK Curveball River. L'album s'appelle The Stand-Ins et la pièce est Lost Coastlines. Mais avant ça, il va y avoir La Descente du Coude et on débute avec Vanessa Pariétaire. Voici la pièce Exil. Je me répète, c'est-tu redondant, mon affaire? Pièce. Je pourrais trouver d'autres mots. Une tune. Tune. Et tourne donc la chanson, bref. Yeah.

OK, Kerville River avec les Lost Coastlines de l'album The Stand-ins. Juste avant, c'était Allergie de la descente du coude. On a débuté avec Exil de Vanesse Pariétaire. Ce sont trois pièces qui se retrouvent dans les palmarès de C'est Fou. Palmarès que vous pouvez entendre au complet les vendredis soirs à partir de 17h. Et c'est moi qui anime ça. En passant, vous pouvez aller voir le site de l'émission au www.unechance.com pour savoir ce qui a joué dans l'émission et aussi pour télécharger la balado-diffusion chaque semaine, donc www.unechance.com. Et vous pouvez nous écouter en direct sur Internet aussi sur le site de C'est Fou au www.c'estfou.ca. Dans le prochain bloc, il va y avoir de la très bonne musique. Évidemment, j'ai très hâte d'entendre ce bloc-là au complet là, parce que j'ai mis les choses que j'aime, mais j'espère que vous allez aimer aussi. Il va y avoir du Sundry Lurky, il va y avoir du Figurines, mais on commence avec un classique des Trompe-l'œil. Ça vient de leur album Strobophone. Voici sur ton joli divan rose. Écoutons-la donc, la chanson. Restez là, écoutons-la dans la chanson, on revient dans à peine 2 minutes à C'est Fou 89.1. Deep. know when the phone attacks with numbers I don't trust. If investigation fails, I'm on my own. Figurines avec The Air We Breathe de l'album When the Deer Were Blue. C'était absolument adorable comme bloc. J'adore ça, cette musique-là. Juste avant, c'était des musiques entraînantes. Juste avant, c'était Sunday Lurky avec John Let Me Go de l'album Phantom Punch. Dans le prochain bloc, qui va être francophone, pour que vous le sachiez comme ça, si vous suivez à la maison, il va y avoir un band de garage avec Campeur, ça c'est sur le palmarès en ce moment. Même chose pour Le Monde dans le Feu, qui débute le bloc avec Un coup mal pris. Tout de suite, écoutons la chanson. Révolution! Yeah! On va lâcher pour s'approcher de ce à quoi ça pourrait ressembler, mais ce qui est bon pour moi est bon pour moi. Ce qui est bon pour toi est bon pour toi. On va se mettre un chapeau dans mes portes en shampoing, qu'on soit dedans le bout des suppléments moyens. On va se mettre un chapeau dans mes portes en shampoing, qu'on soit dedans le bout des suppléments moyens. Yeah! Stone River. C'est la pièce Can't Help Loving Her. Écoutons la dans la chanson. C'est très bon, ça. Stone River, c'est dans le palmarès anglophone de C'est fou en ce moment même. C'est déjà presque la fin de cette première heure d'écoutons la dans la chanson. Il y en aura une deuxième tantôt avec plein de bonne musique. On va écouter comme à l'habitude là, du Flight of the Conchords. On peut pas passer à côté. On va sûrement passer 42 pièces de Flight of the Conchords. Mais on termine cette première heure avec la Baroque Machine. Voici la pièce Hélicoptère et on se retrouve tantôt. Écoutons la dans la chanson. Toujours en direct du cerveau de Mathieu Plante. C'est la deuxième heure d'Écoutons-la donc, la chanson. Mmh. Bonjour dans ma tête, je m'appelle Mathieu Plante, je suis animateur / méga vedette de C'est fou, hein? Je vous aime et vous m'aimez. Et pour accompagner l'animateur / méga vedette de C'est fou, star international reconnu mondialement, moi-même, sa conscience tout aussi fabuleuse et connue, bien sûr, pour les auditeurs réguliers. Oui, et humble. Oui, absolument. Ben oui, faut le dire quand même, hein, tu sais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je suis la voix qui parle à l'intérieur de Mathieu, mais comme il est tellement génial, vous avez la chance de m'entendre. Donc, ça n'arrive pas à tout le monde, ça? Ah, hein? Ben non, vous êtes extrêmement chanceux d'avoir cette opportunité. Donc, je suis parfois en désaccord avec Mathieu, souvent en accord, donc on espère qu'il n'y aura pas trop de conflits. Il y a une certaine indépendance quand même, malgré la symbiose. Oui, absolument. Qui se passe entre nous deux. En passant, seulement les gens cool nous entendent en ce moment. Hein, les autres entendent ça. Mais il y a Pierre Assouline qui, lui, n'est pas du tout d'aucun jury. Il y a Pierre Assouline. Pierre Assouline, cool. Non, vraiment pas. Non, bon, ça va faire. Dans le prochain bloc, celui qui ouvre cette deuxième heure d'Écoutons la chanson, on va entendre du palmarès anglophone. Il va y avoir Library Voices avec la nouvelle pièce Step Off the Map and Float. Avant ça, il y a Michael Rowe avec Pretty Thing. On débute avec The Campbell Apartment. Voici Long Distance Relationship is a Four-Letter Word. Tout ça sur les ondes de C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières, 89.1 FM, à l'émission Écoutons la chanson. Haven't you heard Long Distance Relationship is a four-letter word. Pick up the phone, hang up. Different time zone, wanna give up. Bummed about the thundercloud. Silence can be very loud. What you doing? I'm just writing it down, down, are you pretty thing? got it on my senses just to be out in public. Oh. Dire que nos palmarès sont pas excellents en ce moment et comme toujours. On vient d'entendre Library Voices avec Step Off the Map and Flow de leur album Hunting Ghosts and Other Collected Shorts. Justement, c'était Michael Rowe avec Pretty Thing de l'album Crash Boom Bang. On a débuté avec The Campbell Apartment et Long Distance Relationship is a four-letter word. Ça en fait beaucoup des mots, ça, et des points d'exclamation et un paquet d'autres choses comme ça. Si un titre de chanson vous échappe et vous voulez savoir qu'est-ce qui a joué aujourd'hui, allez voir le site de l'émission au www.unechance.com. Là-dessus, il y a aussi la balado-diffusion si ça vous tente de réentendre tous mes enfargements et mes conneries, mes affaires par rapport. www.unechance.com, c'est là que ça se retrouve. Il y a aussi le poste d'écoute et les palmarès, c'est fou. Là-dessus, tout est à la même place. C'est M-A-T, comme dans C'est Mathieu Plante. Hein? Voici Ménageub et la monogamie qui sera suivie de la pièce La Boucle de Plastic Light. Tu bouges dans ma tête et tu t'enfonces dans mon cerveau. Tu fais ressortir la bête et je sais que tu veux. Car tu me sens

mieux que ça, je passe pas mon temps à taverne avec les gars. Mais tout ce beau cash-là va se retrouver dans nos poches, je crains pas. Sois patiente, je te mens pas, on arrive à la fin du contrat. Et puis quand on y sera, t'en auras plus que t'en voudras. De shopping, mes salles de mécanicien. Je suis en retard pour le souper, ça m'empêche pas d'avoir faim. Je comprends que tu sois écœuré, ça fait déjà assez longtemps que ça tient. Mais quand la paye est pas rentrée, je te garantis que ça va pas du bien. Embrasse-moi pareil, baby, embrasse-moi pareil. Tu sais que tu l'as pour toi, baby, embrasse-moi pareil. Ça fait que, embrasse-moi pareil, yeah, embrasse-moi pareil. Embrasse-moi pareil. J'aimerais vraiment ça comprendre les paroles de cette pièce-là, par exemple. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est embrasse-moi pareil. OK, puis qu'il va avoir de l'argent bientôt pour pouvoir faire tout ce qu'il veut faire. Ouais. Mais je suis en retard pour souper, mais ça m'empêche pas d'avoir faim, ça. Non, j'ai pas vraiment. C'est normal que tu es en retard, donc t'as faim. Les mal léchés avec Embrasse-moi pareil de leur EP ou Maxi, les mal léchés. Justement, c'est Plastic Light avec une pièce très redondante, mais tellement satisfaisante pour moi. La boucle, qui parle d'un verre de slush poppy avec un slush poppy dessus, qui tient un verre avec un slush poppy dessus, qui tient un verre avec un slush poppy dessus. Oui. Je pense qu'on avait compris. Oui. Mais bon. C'est de l'album Je suis un robot et on a commencé avec Majubi. Majubi. Comme je les appelle. La monogamie de l'album Trompe-l'œil. Très bon bloc. Francophone. Franco. Francophone. Le prochain bloc est complètement anglophone et c'est un bloc que ma conscience a choisi. Oui, ta conscience qui aime beaucoup l'anglo, donc qui fait un peu contraste avec la partie corporelle de toi-même. Mais pas très quota. Non. La conscience. Elle se fout des quotas. Elle se fout des règles. Parce que t'as une conscience qui est rebelle. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Moi, j'ai un corporel très faut aller dans les règles. Conformiste. Toi, t'es rebelle. Et, exactement. Donc, dans ce prochain bloc, on entendra du Sam Roberts, du Interpol et c'était quoi déjà mon autre choix? The Living End. Oui. Elle sait même pas ce qu'elle fait, par contre, ma conscience. On commence avec Sam Roberts, d'ailleurs. C'est bien de l'album Chemical City. Oui, c'est la pièce Mind Flood. Tout de suite sur les ondes de C'est Fou, 89.1 FM. Écoutons-la donc. La chanson. Ouais. Hein? Nous autres, là, écoutons-la donc, la chanson. On l'écoute en notre chanson, nous autres. Même notre titre d'émission est très impératif. Ouais. Pas impératif. C'est-tu un impératif? Ben oui. Pas très bon en français, par contre. Non, c'est de l'impératif. C'est de l'impératif. Écoutons-la donc. La chanson. Bon. Oh, ça marche, ça. Ouais, bon, hey, là. Certain. Hein? Bon, ça va pas parler de règles de français. When it comes calling, will you heed the call? When it gets heavy down, will you let it fall? And as the moon cries, it opens minds. The stream reflects these northern climes. Through these days we walk the line. $16 and a couple of dimes. There've been a number of times, took a step back, couldn't read the signs. Cross the plains till they start to climb. Down to the valley where the river winds. Sing it for me, sing it for me. When the water comes down, get yourself up. Grey skies, waters rise. My Restez là, au retour, on écoute Interpol et The Living End. Écoutons-la dans la chanson. Hein? Ah non, j'ai rien à dire. C'est bon. C'était long, la tune, mais c'était bon. Ah, c'était bon. Écoute, c'est 7 minutes 30 qui passent de même. Snip, snap. Ouais. Comme la pub qu'on s'en entend. It broke, I pulled the black from the gray, but the soul can wait. I felt you so much today. Oh. Pioneer to the Falls de Interpol. Écoutons-la dans la chanson, c'était bon, hein? Ah, c'est excellent. Moi, Interpol, je m'étonne pas de ça. Et juste avant aussi, de la fois avant la pub, on avait entendu du Sam Roberts de l'album Chemical City. C'était la pièce Mind Flood. Deux sélections de ta conscience, Mathieu. Qui a du talent, cette conscience. Oui, mais je pense que ta conscience a des bons choix musicaux. C'est sûr qu'elle est rebelle par son côté anglo, mais quand même, c'est du bon anglo. Moi, en tout cas, je préfère ma conscience à moi-même, à mon corporel. Ah oui? T'sais, je trouve qu'elle a un meilleur goût musical. Ah. Okay. Pour ceux qui suivent à la maison, vous avez remarqué qu'il reste une pièce à entendre dans ce bloc-là, donc on va y aller tout de suite avec ça. C'est la formation The Living End. Oui, avec la pièce Till the End de leur album The State of Emergency qui est sorti, si je me trompe pas, en 2006? 2006. Ah, exact. Bravo. Hey, merci. Intelligente en plus, ma conscience. Ah, oh, super intelligente. Till the end, c'est bon jusqu'à la fin, c'est jusqu'à la dernière goutte. Hein? Comme toi puis moi, l'émission puis tout ça, tout est bon jusqu'à la dernière heure. Effectivement. Note. Écoutons-la donc. La chanson. There's children on the street using guns and knives. They're taking drugs and each other's lives, killing each other with knives and forks, and calling each other names like dogs. There's people on the street get diseases from monkeys. Yeah, that's what I said, they get diseases from monkeys. Now there's junkies with monkey disease. Who's touching these monkeys? Please leave these poor sick monkeys alone. They got problems enough as it is. A man is lying on the street, some punk's chopped off his head. I'm the only one who stops to see if he's dead. Turns out he's dead. And that's why I'm singing. Why is wrong with the world today? What's wrong with the world today? What is wrong with the world today? You gotta think about it. Think about it. Good cops been framed and put into a can, and all the money that we're making, going to the man. What man? Which man? Who's the man? When's a man a man? What makes a man a man? Am I a man? Yes, technically I am. They're turning kids into slaves just to make cheaper sneakers. But what's the real cost? 'Cause the sneakers don't seem that much cheaper. Why we still paying so much for sneakers when you got them made by little slave kids? What are you over here? At the end of your life, you're lucky if you die. Sometimes I wonder why we even try. Saw a man lying on the street half dead, with knives and forks sticking out of his leg, and he said, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow. Can somebody get the knife and fork out of my leg, please? Can somebody please remove these calories from my knees? And then we break it down. Yeah, ooh, it was the acapella jams. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, breaking it down. Flight of the Conchords avec Think About It de leur album éponyme Flight of the Conchords. Juste avant, c'était The Living End avec Till the End, The State of Emergency. Et parlant de End, ben c'est la fin de cette édition dès que tourne dans la chanson. Donc on se retrouve pour une autre dose de bonheur et de musique dans mon cerveau. C'est les lundis à partir de 10h, on rappelle les jeudis à 9h. Je vous retrouve aussi au Parleur assez fou les vendredis soirs à 17h et au poste d'écoute les vendredis matins à 10h. C'était n'importe quoi cette conclusion, mais tout ça pour dire que c'était une très bonne émission, que j'étais très heureux de l'animer pour vous, de partager mes choix musicaux. J'espère que vous avez aimé vous aussi. Et puis ben la semaine prochaine, on se quitte sur Sylvie, la formation, avec l'album Trees and Shade Are Our Only Fences. Voici Please Make It Home. Bye tout le monde!